avec Stéphane Bellavance. Quelle quantité de sel faut-il pour flotter dans son bain? On pose la question à Rebecca McConnell et Anne-Marie Wittenshaw. Génial! Ce soir, 19h, à Télé-Québec, l'autre télé. Flash pub. Flash pub. Chez Ashton en janvier, soyez assurés d'un rabais minimum de 10% sur la poutine. Oui, oui, en tout temps, c'est 10% garanti sur la poutine. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Ouais. Radio X, la fameuse Radio X, le show du matin, Morel Live, Dupont le midi, le retour de Radio X, le 5 à 7, Québec Post, édition fin de journée, Radio 3 X, le wrap-up. Radio X. Radio X, le show du matin. À Radio X, dans le show du matin, vous rappelez que ça va être essentiellement doux pour aujourd'hui. On a moins 5 degrés, le maximum est de moins 2 pour la journée. Peut-être un peu de neige en après-midi, mais pas d'accumulation. Ce soir, cette nuit, des nuages, minimum de moins 12. Demain, alternance soleil-nuages, maximum de moins 8. Et pour la fin de semaine, on prévoit de la neige intermittente. On va préciser les accumulations, j'imagine, au cours des prochaines heures. Maximum de moins 9 pour samedi et de moins 5 degrés pour dimanche. Ah, chaque année amène son nouveau carnaval et chaque année ramène l'éternel questionnement de bien des gens qui ont perdu un peu le contact avec ce qui est supposé d'être la fête de l'hiver et la fête de tout le monde dans la grande région de Québec. Puis tout le monde veut savoir quand est-ce que les duchesses vont revenir. Puis on a encore abordé la question ensemble avant le temps des fêtes parce que la conseillère municipale Anne Guérette avait amené cette question-là au conseil municipal. Ça a donné que quand on en a parlé en onde, Jérôme Régis Labeaume était dans le salon puis attendait son tour pour faire une entrevue. Et on a vu que le dossier ne l'intéressait pas beaucoup. Il voulait pas s'en mêler, t'sais. Il voulait pas trop s'en mêler, même si sa conseillère, Julie Lemieux, a appuyé Anne Guérette, l'indépendante, dans cette démarche-là. Mais on va être honnête, là, le maire Labeaume a beaucoup d'autres dossiers à gérer et à s'occuper actuellement. Oh, mais c'est pas nous autres qui est allé le chercher dans le salon pour venir parler de ça. Non, là, c'est tu lui. Te souviens, il est venu s'installer, c'est Régis Labeaume. C'était du Labeaume. Ouais, il a ouvert la porte, s'est installé, puis a attendu qu'on lui pose la question. Fait que moi, je me disais, non, il va nous annoncer de quoi, il va dire quelque chose. Puis dans le fond, ils nous ont viré dans nos shorts. Donc, lui s'en mêlera pas. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. Mais en attendant, ben, il y a des gens qui ont décidé de s'organiser par eux-mêmes et de lancer l'an passé une initiative qu'on va qualifier de parallèle au carnaval. Regarde, on les repart, nous autres, les duchesses. Et ça va être la deuxième édition cette année. Alors, on appelle tout ça les duchesses contre-attaque, la vengeance des duchesses, je sais pas trop. Le terme exact, c'est la revengeance des duchesses. La revengeance, ouais. On a mis les deux ensemble. Marjorie Champagne est avec nous autres pour parler de la deuxième édition de la Revengeance des Duchesses. Bonjour, bon Bonjour. Matin. Est-ce que c'est toi qui as parti l'initiative? C'est moi qui ai eu l'idée. OK. Quelle idée géniale, d'ailleurs. Non, mais bref, oui, c'est moi qui ai eu l'idée avec un gars qui fait dans le graphisme et qui s'occupe de tout l'enrobage, finalement, du site web comme tel, un concepteur graphique. Oui. Et cette année, avec les Duchesses de l'édition 2010, on fait la Revengeance 2011. Et donc, le comité s'est agrandi. Oui. C'est le parti. On est rendu 5 quand même dans l'organisation de la Revengeance. OK. Puis l'année passée, comment ça a été? Ça a été super bien. On a eu une grosse couverture médiatique pour ce qu'on s'attendait à ce que ce serait. Parce que, bref, c'était un projet vraiment, une initiative personnelle. On faisait ça pour le fun. C'était comme on va s'amuser, on repart les duchesses parce qu'on avait, en tout cas, moi, j'avais toujours eu un peu le rêve d'être duchesse, de devenir duchesse. Quoique, il y avait quelques bémols sur la formule qui était adoptée par le carnaval à l'époque. Je voulais pas juste être sur le carrosse pour faire des babayes. Okay. Je voulais faire un petit peu plus. Donc, ça a très bien été pour la couverture médiatique. On a eu 14 000 visites en 2 semaines de notre site web, qui est un blog où les duchesses peuvent s'exprimer. C'est très bon. Puis d'ailleurs, parlons-en des duchesses. Y a-tu eu beaucoup de filles qui se sont présentées? Y a-tu eu un couronnement? Comment vous avez fait ça? Ben en fait, l'an dernier, ça a été assez limité comme candidature, si je puis dire, parce que c'était la première année. Mmh. Mais cette année, on a eu 61 candidatures pour différents quartiers de la ville de Québec. 9 filles en tout qui ont été sélectionnées. Non, on marche pas avec les duchés, on marche avec les quartiers. Des quartiers. Ouais, on est plus populaire. Donc c'est ça. Et on a fait une sélection à partir d'un questionnaire qu'on avait soumis aux duchesses, du genre quelle est votre couleur rose préférée, des questions comme ça qui portent sur l'imaginaire. Et donc à partir d'un questionnaire, puis aussi d'un texte sur le quartier auquel elles appartiennent, parce qu'il faut qu'elles défendent leur fief. Là, vous êtes deux, là. Christina qui est avec nous autres. T'es-tu dans l'organisation? T'es-tu présentée comme duchesse l'an passé, cette année? Démêle-nous. Ben, certainement, en fait. Elle est là juste pour bien paraître. Pour rehausser l'image des duchesses. Mais non, j'étais la très célèbre duchesse de Beauport de l'an dernier. De mon coin? Certainement. Puis j'étais fière de représenter autant le Parc des Cascades qu'à Robert-Giffard que le Terminus Beauport. Pour le blog, dans le fond, c'est la façon qu'on allait chercher les fans sur le site. C'était du monde de chacun leur quartier. Lévis, Saint-Sauveur, je viens de là, Beauport, Charlebourg, fait que chaque personne se sentait plus interpellée par son quartier où ils ont grandi, évidemment. Donc, c'est ça. L'an passé, j'étais la duchesse de Beauport. Cette année, avec Marjorie et certaines autres filles aussi, on est plus dans l'organisation, là, parce que l'an passé, contrairement à l'an dernier, c'était simplement un blog que les gens pouvaient suivre, mais cette année, ça va être des activités que les gens vont pouvoir nous voir la face. Oui, là, on sort de notre web 2.0. Sur le terrain, ouais. Parce que c'était un peu ça la beauté des duchesses à l'époque, c'est qu'on entretenait un peu cette activité-là à l'année longue. Il y avait des visites, il y avait des rencontres, etc., etc. Ça faisait partie, pas nécessairement du glamour, mais du plaisir à représenter ton secteur de la région de Québec. Cette année de la paillette, il va en avoir. Ah oui, ça commence le 27 janvier, donc dans deux semaines à peu près, pour le dévoilement comme officiel des nouvelles duchesses. Parce que les gens m'en reparlent encore. Ah, Christina de Beauport, oui, mais cette année, ça va être une nouvelle duchesse de Beauport, des nouvelles filles. Des neufs, là, tu sais, ils sentent le neuf, là. C'est comme ils sont chaînés. On va les présenter, ils vont faire des petits spectacles, là, pour se présenter, là. Okay. Du côté du cercle, là, sur la rue Saint-Joseph, le 27 janvier. C'est un party, un peu. Oui, c'est un party. Oui, c'est un party. On s'est dissocié du carnaval, dans le fond. Ben oui, parce que, premièrement, ils veulent pas nous autres. Deuxièmement aussi, c'est parce que, sans rien vouloir au monde, il y a des familles. Nous, on veut ramener l'idée plus festive du carnaval pour les adultes le soir. Ben, en introduction, c'est ce qu'on disait d'ailleurs. Il y a une couche de la population, je pense, qui se sent délaissée par le carnaval. C'est-à-dire les jeunes adultes festifs, c'est très bien dit. Qui voudrait peut-être, parce qu'à l'époque le carnaval, hein, c'était comme ça, c'était le gros party là dans la rue, c'était une mascarade, on rencontrait des gens, on faisait le party dans la neige. Donc à un moment donné, je pense que ça a pris un virage familier, c'est vrai, ce qui est correct aussi. Mais il y a beaucoup de gens, nous, qu'on connaît, qui disent tu sais, on n'y va plus, c'est plate, on se reconnaît plus là-dedans. Est-ce que le but ultime, c'est d'avoir tellement de succès avec ça que le carnaval va être forcé de rajouter l'activité? Est-ce que vous parlez avec ces gens-là, ou bien vous avez fait votre deuil de dire bon, nous autres on fait nos affaires, le carnaval fait ses affaires, ça reste séparé, puis c'est tant mieux pour tout le monde. Ben écoute, l'an dernier, il y a quelqu'un qui a posé, un journaliste qui a posé la question au président du carnaval, comme quoi, à savoir si cette initiative-là lui avait redonné le goût d'avoir des duchesses, et il a vraiment répondu non, il n'y en est pas question. Okay. Donc à partir de ce moment-là, il a le droit de changer d'idée comme tout le monde, sauf que nous, c'est sûr qu'on n'est pas prête à accepter aucun compromis sur ce qu'on fait, parce qu'on est des duchesses qui ont la tête haute, on est libre, autonome. Ça nous tente pas de vendre des bougies. Donc c'est ça. S'ils nous donnent de l'argent pour le faire et puis qu'ils nous embauchent et qu'ils nous donnent toute liberté de création, ce qui se peut peut-être, faut être optimiste dans la vie. Non, mais bref, notre but c'est pas nécessairement de revoir les duchesses au carnaval. Mais vous semblez avoir du fun puis vous voulez pas nécessairement le retour des duchesses. Mais y a-tu quand même un message que vous voulez passer là-dedans? Parce que on se souvient que la fin des duchesses, c'est quand il y a un gars qui avait voulu se présenter et puis là les questions féministes étaient survenues. Puis vous autres, y a-tu un genre de message de fond quand même que vous voulez passer avec ça? L'an dernier, dans le fond, on présentait ça comme la revengeance des duchesses, qui était comme une espèce de réaction aux duchesses d'antan. Aussi que il y avait pas nécessairement le droit de parole, tout ça, puis que tu voyais juste qu'ils shakaient leur petite main avec leurs doigts collés, avec la coulisse de mort gelée dans la face à moins 30 dans leur char allégorique, puis leur couronne dans leur con, là. C'est pas nécessairement ça qu'on veut faire. Le blog, dans le fond, c'est une façon de s'exprimer, puis chacune, tu voyais, avait des personnalités originales. Il y en avait une, c'était une tanatologue, l'autre, c'était une joaillière, il y en a une qui est caméraman, tu sais, chacune ont des, c'est pas des tartes, tu sais, puis on est quand même fiers de le montrer, puis cette année, on est fiers de dire que c'est pas des morues non plus, fait qu'on va les sortir. Il va y avoir la tournée des bars le 5 février. Chaque duchesse va aller prendre le meilleur bar de leur quartier, que ce soit à Beauport. À Beauport, je sais pas, il y a la Rochelaine puis le Doulé. Ouais, il y en a pas à des tonnes. Il y en a d'autres depuis le temps. Lévis, Saint-Sauveur. Limoilou. Ça va être une tournée, justement, où les duchesses vont se promener en groupe, comme une espèce de flash mob, puis on va débarquer dans chaque bar de la ville de Québec. Donc là, on va vous donner un horaire que vous pourrez communiquer à tous vos auditeurs qui pourront venir nous voir en vrai. OK. Mais là, c'est-tu trop tard pour se présenter? Vos duchesses sont-tu sélectionnées pour cette année? Oui, ça, c'est fait. Ça, le processus est fait. La séance photo est faite. Vous pouvez d'ailleurs la voir déjà, cette belle photo édition 2011 sur notre blog à revengeanceduchesse.com. Revengeance. Revengeance. C'est un petit peu compliqué, là, mais bon. Revengeanceduchesse.com. Exactement. Duchesse avec un S. Oui. OK. Exact. Excellent. Donc, vous pouvez voir la photo de la revengeance de cette année. Mais tout ce qui est sur le blog présentement, c'est le contenu de 2010. Donc ça, c'est important de le mentionner. Mais à partir du 27, il va y avoir le contenu de 2011. D'ailleurs, les filles travaillent déjà au contenu. Il y a quelques vidéos qui sont déjà sorties sur YouTube. Vous pouvez y avoir accès grâce à la page fan Facebook de La Revengeance des Duchesses. Les deux, trois vidéos qui sont déjà faites sont sur la page fan des Duchesses. Ben les filles, good job. Regarde, c'est bien beau attendre après le monde, puis attendre, puis attendre. Mais vous autres, vous avez décidé de pas attendre, puis de faire vos affaires. Puis regarde, c'est bien tant mieux. Puis on va vous tenir au courant, les auditeurs qui veulent suivre ça dans les prochaines semaines. Revengeanceduchesse.com. Mesdemoiselles, merci infiniment. Merci. Il est 8h22 à Radio X. Le show.